On ne joue pas avec le feu. Rouge, on s'arrête. On peut supposer que cette voiture s'est engagée sur le passage à niveau quand le feu était éteint. Les barrières vont s'abaisser et le train va arriver d'ici peu. Je n'ai absolument pas le droit de penser que j'ai peut-être le temps de passer. Chaque année, une quarantaine de personnes perdent la vie en franchissant un passage à niveau fermé. Réponse B.